Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 8e jour de la 2e lune de la teinte de sanguine de l'an 1131. Les derniers jours ont été plutôt compliqués. La tempête a été particulièrement violente et il faut dire que votre soirée d'il y a quelques jours vous a tous plus ou moins marqué. En ce jour, vous êtes tous au QG et c'est la première fois que vous êtes réunis depuis quelques jours. À vrai dire, il est encore tôt, bien plus tôt que vos réveils habituels. Le soleil se lève à peine, le vent, lui, continue sa brutale symphonie qu'il a entamée cette nuit. Alors que cette matinée débute et que vous vous retrouvez comme à votre habitude, je vous laisse donc rendre compte sur ce qui s'est passé, mais aussi simplement discuter quant à l'avenir de votre enquête. Bon, alors, dis-moi comment ça s'est passé pendant que j'étais pas là. Parfaitement bien. Nous avons fait des progrès incommensurables. Je tiens à dire que cette enquête, je dois dire en toute modestie, quelque peu sous ma supervision, a progressé énormément et que je pense que nous tenons notre homme. Pour fuir. Vous tenez votre homme à ce point-là. Bon, c'est une façon de parler. Oui, voilà, je souhaitais vous le notifier d'une façon quelque peu exagérée, certes, mais nous avons fait des progrès. Il y a un quel sentiment. Dites-moi tout, enfin, mettez-moi au parfum, comme on dit. Eh bien, l'interrogatoire de Monsieur Baudor, Albert de son prénom, nous a amené à découvrir de nombreuses très intéressantes choses, parmi lesquelles Monsieur Baudoir est certain qu'il s'agit bien de... Vous savez qui a tué Mademoiselle... Madame, enfin, qui a tué... Paletti ? Vous savez qui ? Oui, voilà. Ce serait lui qui a tué Paletti. Exactement. Et notre homme, brave homme, si je puis dire, a lui-même enquêté et a cherché à démasquer ce monstre. Et bien sûr, il lui a fait payer. Il est venu le menacer directement. C'est pourquoi nous devons, d'après moi, le mettre sous protection policière et immédiatement, car sa vie est en danger, surtout depuis qu'il nous a parlé. Je vois. Sinon, qu'avons-nous appris ? Étiez-vous là quand nous avions eu cette costumière qui est venue nous expliquer quelque peu c'est chaud sur le masque d'Il Prodissimento non. Il me semble que j'étais là quand nous sommes allés la voir Donc, quand elle est venue nous voir. Ou quand elle est venue, oui. C'est sur les rayons et les ombres, cette si, pièce. Si, effectivement, oui. J'étais là. Oui, elle et était venue nous voir au QG Indigo. C'est exact. Oui, la tenue de cet interrogatoire m'a monopolisé de nombreuses ressources intellectuelles. Et j'en suis moi-même très fatigué, voyez-vous. Mais j'ai du mal à se souvenir de tout ceci. Et puis bon, bref. Il se fait que voilà, la saison en ce moment est assez rude pour tout le monde. Et avec cette chaleur et ces tempêtes qui nous perturbent, on s'épuise très rapidement. Tout à fait. Je comprends. Et c'est formidable en tout cas que notre enquête avance, que des pistes se dévoilent à nous. Qu'avez-vous prévu ? Quel est le programme, du coup ? Eh bien, quelqu'un doit aller au Théâtre du Masque pour interroger Monsieur Bonnet, notamment sur les rayons et les ombres. C'est tout trouvé, ça. Pour toi, ça. Pardon. C'est tout trouvé pour toi, ça. Non, car j'ai une partie de... J'ai des choses à faire. Ah, bien mystérieux, cher Hugo. Ma tante a perdu son... Non, vous comprenez, c'est très incongru. Je ne peux malheureusement pas me rendre au Théâtre du Masque. Mais... Okay. Je pense que ça, il vous sierait complètement d'aller voir Monsieur Bonnet et de l'interroger sur ce sujet. Écoutez, ma foi, pourquoi pas, si quelqu'un un d'entre vous peut m'accompagner pour peut-être utiliser les informations que vous auriez eues sans moi, parce que je trouverais ça plus sympathique. Alors, je sais pas, Esther, Cornilop. J'ai des poisons à trouver. D'accord. Esther ? Ouais, on peut y aller. Je me rassure, j'ai cru que j'allais y aller tout seul. Eh bien, ma foi, je sais pas, on peut y aller quand tu veux, quand tu seras prête. Il me semble que j'ai plus grand chose à gérer là, donc on peut pas tarder si tu veux. Ok. Rien d'autre sinon, vous avez. Tout dit ou peut-être reste-t-il d'autres informations que vous ne m'auriez pas partagées ? Rien de plus. Ok. Et bien, ma foi, d'accord. Ok. Du coup, je vais demander concrètement, je sais du coup où vont Cornilov et Esther. J'ai une bonne idée du coup. Victor et Esther. Victor et Esther, pardon, excuse-moi. J'ai une bonne idée du coup, c'est ça que je voulais dire. D'où va Cornilov ? Du moins, il nous a énoncé clairement. Par contre, du coup, j'ai posé une question, c'est vis-à-vis d'Hugo. Est-ce que tu sais, toi, un peu ce que tu as envie de faire ou pas ? Eh bien, absolument pas. Car c'est vrai que, du coup, donc, j'avais pas noté non plus grand chose. Eh bien, je pourrais peut-être. Hugo, tu t'y connais en musique ? En musique ? Non, pas spécialement. Enfin, il m'est arrivé d'avoir à accompagner quelques pièces, mais je ne joue pas d'instrument. Mais... D'accord, parce que nous savons, depuis qu'on a visité la famille Bellati, que le dernier poste de doge qu'elle a eu, si je me souviens bien, a été celui de doge de la note. Oui. Et justement, un des mécènes de notre cellule est le doge de la note. Il serait peut-être intéressant de lui rendre visite pour savoir s'il est... Bien, et donc vous voudriez... Voilà. S'il est celui-là qui est arrivé juste après, s'il a quelques infos peut-être, s'il l'a connu. Très bien. Eh bien, je vais aller de ce pas et avec grande joie dans la ville supérieure m'enquérir de notre mécène. Parfait. Corniov, tu as du coup, pour parvenir à ton objectif, concrètement, quel est ton but là tout de suite, pour savoir en fait dans quel ordre je vais un peu m'occuper de tout ça? Eh bien là, j'aimerais du coup essayer de rentrer en contact avec la fameuse Lucie, donc vers laquelle Oleg m'a orienté, qui est donc a priori une spécialiste du poison, pour que je lui pose quelques questions sur des poisons qui permettent de faire semblant de mourir ou qui imitent des symptômes de la phthisie, voilà. Ok. Je vais commencer par... Ouais, par Carnival, parce que ça va être, à mon avis, le plus, entre guillemets, simple à gérer. Corniloff, du coup. Enfin, concrètement, vous tous, hein, vous vous séparez, chacun ayant dans un but. Du coup, Esther et Victor, vous allez voir monsieur... Je trouve son nom... Oui, Roland. Bonnet. Monsieur Roland Bonnet. Et... Hugo, toi, tu vas voir, du coup, la doge de la note mécène en partie de votre cellule. Très bien. Donc, Corniloff, de ton côté, où vas-tu pour rencontrer cette fameuse Lucie? Eh bien, si je me rappelle bien, on m'a dit, justement, d'aller au bar du Hurleur et que qu'on m'orienterait vers la madame. Corniloff, après la descente hein, jusqu'au quartier pour aller trouver le bar du Hurleur, eh bien, tu vas, tiens, je te passe le trajet pour arriver concrètement au moment où tu y es physiquement. Lorsque tu rentres, tu remarques que le bar est un peu plus calme que d'habitude. Tu penses que la récente soirée a dû, comment dire, un peu... fatigué le tout, y compris vu le nombre de tournées gratuites offertes par Oleg, le chiffre d'affaires, donc il semblerait que le bar a besoin un peu de se remettre de ses émotions. Quand tu rentres, tu es accueilli comme d'habitude par Sofiane, hein, si mes souvenirs sont bons, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Donc ouais, tu te fais accueillir comme d'habitude par Sofiane, qui est derrière son comptoir, un peu en train de marmonner dans sa barbe au moment où tu rentres. Tu vois que très rapidement, il te regarde. Besoin de quelque chose? Oui, un petit verre d'absinthe, c'est toujours bon. Ok. Et j'aimerais aussi savoir si tu pouvais me trouver Lucie. Hmm. Oh, d'habitude, on n'est pas censé dire ça comme ça, mais je suppose que t'as pas eu ce nom de n'importe qui. En effet. Ok. Bon, moi je sais pas, mais si tu vois ça avec Olga, normalement c'est elle qui gère son emploi du temps. Hmm. Okay. Dans l'hierarchie. Allez, on y aller. Très bien. N'oublie pas de me payer, hein. Évidemment. Et voilà pour toi. Ouais, bah merci. Tu prends ton verre d'absinthe et tu peux te diriger du coup vers la R-salle. C'est ça. Je me recoiffe un peu la barbe avant de rentrer dans la R-salle. Ok. Tu te recoiffes un peu la barbe et tu rentres dans la R-salle. Est-ce que du coup tu n'as que ton verre en main? Je sais pas ce que j'aurai d'autre. Ouais, ok, non, c'était pour savoir au cas où t'aurais demandé un deuxième ou quoi, mais non, du coup tu rentres avec ton verre. Ouais, non. Bah, tu vois deux, trois membres bah, tout simplement de la guide en train de discuter, dont Rolando et Olga. La troisième personne, tu ne la connais pas pour le coup. Quand tu rentres, tu vois que Rolando c'est le premier à lever la tête vers toi et faire ah! Comment ça va depuis le temps? Rolando, bien et toi? Ça va, ça va. Tu vois que quand il dit ça, il range un poignard au niveau de sa tenue. Bon, moi j'ai du boulot, de toute façon, faut pas que je traîne. Tu prends soin de toi, hein. Eh non, la même pour toi. Et quand tu dis ça, tu vois que lui... Bah, du coup, je me joins un peu aux deux qui restent. Hein. Mm-hmm. Tu te joins et tu vois que Olga te salue, très contente de te voir. Tu te demandes, bah, qu'est-ce que tu fais là ? Je venais car on m'a dit que c'était à toi qu'il fallait que je m'adresse pour m'entretenir avec Lucie. Oh, oui. Oui, tu prévois un sale coup ? Non, mais j'aimerais savoir si comment ça pourrait se faire. Si tu veux faire des sales coups, tu sais, c'est pas moi qui va être choqué. Ouais, y a pas de souci. Actuellement, elle enquête dans le quartier de l'Arbre. Tu pourras la retrouver facilement dans la taverne du quartier. Je te conseille d'ailleurs de pas y aller dans ta tenue officielle là-bas. Commence à avoir un peu de d'énervement, disons. Ah oui, tu sais pour quelle raison? Ouais, de ce que j'ai entendu dire, c'est à cause de l'échange de poèmes, là. Tu sais, il y a eu poème, là, qui... D'ailleurs, je crois. Et il y a eu une réponse, et ça a commencé à créer des clans, ça a commencé à chauffer, et du coup, ouais, semblerait que... tu sais, on est dans un monde où on a tendance à... Il faut toujours être dans un camp ou dans l'autre, et... Et semblerait que la majorité du quartier de l'Arbre ait choisi son camp. Malheureusement, ils sont plutôt énervés contre le ministère. Merci du conseil en tout cas. Ah bah écoute, c'est normal. Hein. On met toujours à bien les amis. Évidemment. Bon, je vais pas rester longtemps parce que je suis un peu pressé. Mais dis-moi, t'es souvent ici ? Pour savoir si je repasse ? Ouais, je suis là la majorité du temps quand je suis pas en mission. Bon, bah à bientôt alors. Bah à bientôt. Et je m'en vais. Tu t'en vas. Tu t'en vas et du coup je suppose que... Enfin, il y a de fortes chances que tu décides d'aller au quartier de l'Arbre. Oui. Et donc, pendant que tu te déplaces, je vais passer à un autre compère. Au choix, je vais prendre Esther et Victor. Vous décidez donc de vous rendre au théâtre pour aller parler à Monsieur Bonnet. Et donc, vous essayez d'aller voir Monsieur Roland. Donc, vous allez voir au théâtre. Vous savez que principalement, il travaille au théâtre. Après, il faut avoir la chance pour tomber dessus. Mais en tout cas, lorsque vous arrivez à l'accueil et que vous demandez si Monsieur Bonnet est là, et on vous répond que oui, il est actuellement dans sa loge, en train de travailler. Il semblerait que Monsieur soit, en plus de ça, très matinal. Mmh. Il est bien en loge. Loge. Tout à fait. Vous arrivez, vous toquez, et au bout de quelques très longues secondes, remarquez qu'il ne réagit pas immédiatement... vous incite à ouvrir la porte. Eh bien, on le fait. Non, c'est une porte en drap. Est-ce que c'est une porte ? Est-ce que c'est... Le théâtre, ça fait partie des rares édifices comme les maisons de riches qui ont des vrais murs parce que ça permet d'isoler les sons. Ça permet d'avoir plusieurs salles. En gros, c'est plus une accumulation. En fait, il faut voir le théâtre comme une accumulation de salles qui ont fait qu'on a fait un bâtiment autour, que vraiment comme un truc qu'on a construit. Ça fonctionne plus dans ce sens-là. Mais donc c'est une vraie porte. Vous l'ouvrez. Et à l'intérieur, vous voyez Roland, Monsieur Bonnet, qui semble très fatigué. Hein. Il a une mine très basse, des énormes cernes, et qui semble être entouré de plaques de cire, de métal, et de quoi écrire sur chacune de ces... sur ces matières. Quand il vous voit, il se redresse. Excusez-moi, messieurs, dames, je ne pensais pas que j'aurais affaire au ministère. Non, ce n'est pas grave. On ne s'est pas annoncé avant. Vous n'étiez pas prêt forcément à nous recevoir. Il n'y a pas de problème. Ouais, vous avez l'air fatigué, monsieur. Ah oui, je travaille sur ma prochaine pièce et malheureusement, ma muse n'est pas là. Votre visage me dit quelque chose. On s'est déjà vu, non? Je ne sais pas. Non. Ah. Avec un jeune homme, très charmant, non? Oui, vous devez peut-être... Oui, c'est possible, ah. Oui. Oh, c'est dommage qu'il ne soit pas venu. Ah, ouais. Quoique, vous me direz, vu l'état de ma pièce, ça n'aurait été pas à ma faveur. Bref, à l'occasion, je dirais peut-être de vous venir vous voir, on ne sait jamais. Ouais, il a insisté, mais malheureusement, il était pris. Ouais. C'est vrai, je l'avais invité, Piesa, mais il n'est jamais vu. On vous communiquera ses coordonnées, si vous... Non, je rigole. Les métropolites sont très pris, malheureusement. Ah, je veux bien vous croire, bon, surtout que... Tâche à faire. Ça manque un peu d'effectifs aussi au ministère. Hein, Eh oui. Bon, que puis-je faire pour vous, messieurs et dames? Eh bien, nous aurions... quelques questions à vous poser sur une pièce de théâtre. Peut-être sauriez-vous nous en dire plus sur son sens, ce qu'elle évoque ou d'autres choses. Bien sûr, dites-moi tout. Celle-ci se nomme... Parce que je n'ai pas les rayons et les ombres, je crois. Est-ce que cela vous évoque quelque chose? Laissez-moi réfléchir. Elle a l'air de souvenir. Elle est assez vieille. Elle remonterait avant même la naissance de la ville, donc ou dans les prémices de la ville, mais seule une poignée de personnes la connaissent vraiment. Alors on s'est dit que vous seriez forcément au fait de cette pièce. Eh bien. Les rayons et les... Oui, les rayons et les ombres. Oui, malheureusement, c'est une pièce assez peu populaire. Disons qu'elle n'attire plus grand monde. Mais oui, ma foi, étant du milieu, comme beaucoup d'autres gens, je la connais bien. D'autant que, il y a encore de ça quelques années, certains s'abusaient tout de même à faire des productions. Donc, vous sauriez nous en dire un peu plus sur cette pièce ou vous avez vraiment des connaissances très basiques de celle-ci? Que voulez-vous savoir exactement? Eh bien, bon, alors, je regarde un peu Esther pour si elle peut m'aider un peu. Si elle a des idées parfaites ou pas, parce que j'avoue que... Non, de mon côté, c'est... Tu remarqueras qu'aujourd'hui, Esther a l'air particulièrement fatiguée et épuisée physiquement. Ok. De mon côté, je vais me contenter de scruter la pièce, un petit peu tout ce que je peux voir autour de lui. Et je me perds dans tous les trucs qu'on pourrait trouver à côté qui va disposer. J'essaie même d'en déduire des choses sur la personne plus que de faire avancer l'enquête de laquelle j'ai quasiment décroché depuis la dernière fois où on a re-avancé pour re-stagner derrière. D'accord. Du coup, je me retourne vers lui. Et puis, déjà, son sens premier, le thème principal de cette pièce, si c'est possible. Oui, le sens premier, c'est Disons, c'est une histoire qui vante le fait de, comment dirais-je, ne pas accepter, disons, n'importe qui comme gouvernement. Ça prend un artiste qui explique peut-être aujourd'hui l'importance de l'artiste, mais qui prend un artiste qui a dénoncé, qui dénonce les mensonges d'un pouvoir en place, et c'est une pièce qui à l'époque était volontairement contre les seigneurs l'ancien système. Vous savez que nous avons plus de seigneurie depuis bien longtemps. C'est une pièce un peu anti-système quelque part. Oui, mais d'un système qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Je pense que c'est pour cela qu'elle n'est plus beaucoup jouée. Elle faisait sens lorsqu'elle s'élevait contre les seigneurs qui sont aujourd'hui devenus des seigneurs traversiers, notamment dans la principauté d'Olmune. Mais aujourd'hui, c'est une artistocratie à Venise. Donc, mis à part quelques plaisirs intellectuels, c'est pour cela qu'on ne la joue plus énormément. D'accord. Et sinon, les personnages principaux, si vous les connaissez? Oui, ce sont toujours les trois mêmes personnages principaux. Il y a la fille du roi qui est dans une relation amoureuse avec l'artiste. Il y a l'artiste et le roi. Ce sont les trois personnages principaux qui ont toute l'attention dramatique. L'artiste et donc... Et le roi. Y a-t-il des personnages secondaires, mais qui pourraient peut-être être quelque part des personnages principaux, mais en arrière-plan? Je ne saurais dire. Je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. On m'a évoqué. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes, des grandes familles de Venise, et l'une d'entre elles m'a évoqué peut-être un dieu, quelqu'un qui serait là mais qui serait symbolisé par une personne portant un masque ou quelque chose. Ah oui, maintenant que vous le dites, oui, tout à fait. Vous en savez finalement tout en tant que moi. C'est un personnage qui sert d'intervention divine qui vient donner raison à l'artiste. À ce moment-là, Esther va quand même commencer à interrompre la discussion. Mm-hmm. Et savez-vous où est-ce que l'on pourrait trouver des restes de costumes de bonne qualité de la pièce ? Ont-ils été détruits ? Je crois bien que... Même ici, il me semble que la plupart des costumes ont tous été fondus pour être construits dans d'autres masques, d'autres costumes, d'autres décors. Vous savez, on garde assez peu, surtout pour les pièces qui sont plus jouées. Je crois que va bien faire 5-6 ans qu'on n'a pas vu cette pièce jouée, même avant ça, elle était jouée que très rarement. Je pense que oui, tous les restes ont dû être fondus. Je peux vérifier pour vous si vous le souhaitez tout de même dans la réserve du théâtre, mm-hmm. mais je dois vous avouer que j'y vais avec peu d'espoir. Mais écoutez, soit on peut toujours tenter, c'est vrai. Eh bien, soit. Venez avec moi, c'est juste à côté, j'y ai accès. J'essaie de regarder si les accès à la réserve et tout ont l'air faciles, entre guillemets. Bien, en soi, oui. Tu vois que quand ils vous amènent, mis à part qu'il y a quelques personnes qui surveillent en fait les accès, bon, ça reste quand même juste un endroit où on stocke le matériel, etc. C'est protégé entre guillemets parce que c'est déjà à l'intérieur du théâtre et il faut passer une deuxième sécurité, mais c'est pas non plus, c'est pas fermé avec 15 verrous ou ce genre de choses. Ils vous ramènent et donc en fait que le fameux stock. C'est vraiment pour le coup un stock, c'est juste une pièce dans laquelle bah, il y a vraiment tout qui est entreposé de manière plus ou moins organisée. Vous sentez que c'est organisé, mais c'est un bordel monstre, mais vous sentez que c'est le genre de bordel où les gens savent où chercher pour trouver quelque chose. Et vous le voyez bah, chercher ci et là, notamment au niveau des au niveau de quelques masques qui sont forgés. Et si vous regardez, vous remarquez non seulement que pour l'instant aucun masque correspond à celui-là que vous avez en votre possession, mais qui ne trouve rien d'autre qui semble venir de la pièce, puisqu'il revient vers vous, vous indique malheureusement, comme il le craignait, il n'en est rien. C'est dommage. J'avoue que je, pour ma part, je sais pas trop vraiment quoi demander. J'ai quand même l'impression qu'il nous a dit un peu tout ce qu'il savait sur la pièce, étant donné qu'elle est quand même assez ancienne et tout. Si en plus il y a plus de costumes. Savez-vous si quelqu'un d'autre se serait intéressé un peu comme nous à cette pièce plus ou moins récemment, ou il y a quelques années? Je ne sais guère. Pour tout vous dire, il y a quelques années, il y avait les doges qui s'amusaient énormément à revoir cette pièce de temps à autre. C'était sûrement le seul les seuls qui demandaient à revoir cette pièce. C'était une commande privée, c'était joué par une troupe bien spécifique, mais mis à part les doges de l'époque, il y a 6 ans peut-être. Oui. Et cette troupe, vous sauriez où elle est aujourd'hui, si certains d'entre eux sont toujours en activité? Oui, c'est une des troupes de ce théâtre aussi. Elle est toujours d'actualité, mais c'est une troupe qui commence à s'approcher petit à petit de la fin de leur carrière, qui du coup sont actuellement un peu en arrêt. Le temps de préparer une ultime pièce qu'ils espèrent marqueront l'histoire du théâtre. Vous sauriez nous donner leur nom, ou où est-ce qu'on pourrait les trouver? Bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez les trouver ici même. Et c'est la troupe qui a le surnom Seth. Seth, c'est S-E-T-H. Seth, d'accord. Oui, c'est un nom qui vient du Gloriana, mais que voulez-vous? Des fois, l'exotisme, ça attire. Oh non, c'est un nom, après tout. ça en reste là. Bien, pour ma part, je pense que je n'ai plus trop de questions. Je me tourne vers Esther. Tu vois que j'ai même plus trop l'air de suivre la discussion, mais juste de partir vadrouiller, mon regard vadrouille un peu à droite à gauche et se balade. Bon bah écoutez, Monsieur Bonnet, je vous remercie pour votre patience et pour avoir répondu à nos questions. Il est possible peut-être plus tard qu'on revienne voir, mais c'est pas sûr vraiment. Puis qui sait, peut-être que notre camarade viendra vous faire une visite. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis bon courage pour finir votre œuvre. Vous de même. Au revoir. Vous pouvez donc repartir. Du coup, moi, je vais voir Esther. Oui. Juste, je vais voir Esther. Je fais, mais ça va? Je te sens un petit peu. Pendant ton assiette. Les derniers jours ont été particuliers, oui. Un peu mouvementé, on va dire. Ok. Écoute, si jamais tu as besoin de te reposer, n'hésite pas. Enfin, il ne faudrait pas que tu nous fasses J'y pense quelque chose. Je ne sais pas si l'heure est au repos, malheureusement. C'est sûr, mais... Le tour règne sur la ville. Il est vrai, mais je pense que un métropolite ou une métropolite reposée est plus performante qu'une métropolite épuisée. C'est sûr. Voilà, c'est tout. Je te laisse la main, conteuse. C'est pas fait. Je vais juste passer du coup à notre cher Ouko. Eh bien, je te laisse accéder tout simplement au bâtiment qui va servir de loge principale pour la loge à notes, dans lequel tu es quasiment sûr, parce que c'est un peu son statut, tu sais, c'est un peu comme un directeur, il est là où on s'attend qu'il soit, c'est-à-dire dans son établissement. Donc tu es à peu près sûr, sauf déplacement professionnel, de trouver Antonio Refederici. Très rapidement, si tu lui demandes, tu vois qu'on t'indique effectivement qu'il est là et on te donne un rendez-vous avec lui. Après un peu d'attente, tu dois quand même attendre 20-30 minutes, hein, tu le vois enfin t'accueillir et arriver vers toi. Je me permets juste de préciser que Hugo est véritablement très heureux et vraiment très épanoui de rencontrer personnellement une personne aussi haut placée et que voilà, que ça mettait un peu en lien avec son idéal d'obtenir une meilleure place dans la société, et c'est quand même quelque chose, enfin il voit quand même une sorte d'énorme promotion sociale dans le fait d'avoir une entrevue avec quelqu'un d'aussi haut placé. Hugo et se sent très, très épanoui et très heureux de Tu vois que quand il arrive, il t'accueille tout simplement assez de manière concise, hein, vraiment sans trop d'éloge non plus, il te dit juste bonjour et demande quelle est donc la raison de ta présence. Pardon. Monsieur Refederici, je ferai en sorte que tout ceci soit court. Je sais que vous êtes un homme occupé. J'enquête en ce moment même avec la cellule Inter-Empire, dont je souhaite vous remercier au nom de toute la cellule, de votre soutien, de votre mécénat qui permettent de rendre les rues de Venise plus sûres et de participer à la prospérité de notre magnifique cité. J'enquête actuellement. Je tiens tout de même à vous remercier, monsieur. Excusez. J'enquête actuellement sur la regrettée Elena Baletti, qui a occupé le poste de doge de la note avant vous. J'aurais quelques questions à vous poser sur elle, si vous l'avez connue, bien sûr. Tout à fait. Voyez-vous, je ne suis pas un de ses plus proches, mais je l'ai bien connue, en effet. Dites-moi ce que vous voulez savoir et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Eh bien, tout d'abord, vous la connaissiez depuis longtemps, vous me dites que vous n'étiez pas extrêmement proche d'elle, mais avez-vous eu des rapports avec elle de quelconque façon? Oui, à l'époque, disons que je marche un peu dans ses pas, on faisait partie des mêmes idées politiques, nous avons tous deux vraiment construit... Il est vrai que la personne à qui je succède aujourd'hui, Madame Norma Severini, qui a remplacé Elena le temps de finir son mandat et que je sois élu en 1128, fait que c'était son amie d'enfance. Donc vous voyez, il n'y a pas le même rapport. Je vous conseille, d'ailleurs, si vous avez vraiment des questions très profondes sur le passé de Madame Baletti, de vous tourner vers Madame Severini. Quant à moi, je l'ai connue, elle était déjà, disons, bien installée à Venise, et voilà, je Malheureusement, je ne l'ai pas aussi bien connu que ce que j'aurais aimé, mais j'ai malgré tout un petit passé avec elle. Très bien, merci. Je vais un peu, quelque peu, passer du coq à l'âne, si je puis dire. Mais vous le savez peut-être, mais Madame Baliati est décédée d'une maladie. Avez-vous connaissance de ces faits, tout d'abord? Oui. Évidemment. Qui n'est pas au courant de cette tragédie qu'a connue Venise? Bien sûr. Tout ceci pour m'amener à poser cette question. Que savez-vous justement de tout ceci, de la dernière, de la période, de la dernière, des derniers instants de Madame Baliati, ces derniers mois? Pour être honnête, je n'aime pas pour avoir discuté, notamment avec Madame Severini, elle vous dira la même chose. L'affaire est étrange, étrange, c'est un bien grand mot, mais disons que les gens qui lui étaient proches regrettent énormément ce qui s'est passé, notamment le fait que toute la ville savait ce qui se passait, véritablement. Au matin, c'est comme si tout le monde savait instinctivement tout ce qui se passait sur son état de santé. Le moindre jour où elle était un peu en moins d'énergie, tout le monde en parlait. Alors que nous, qui lui sommes proches, alors certes, nous n'étions pas sa famille, mais nous qui étions proches, Madame Severini et moi, nous étions au courant absolument de rien. Nous apprenons tout par autrui. Et c'est vrai que c'est pas malheureusement étonnant qu'elle ait cédé à sa maladie si personne n'était là pour la soutenir. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que, sans tomber bien sûr dans de délirantes théories, les circonstances dans lesquelles Madame Baliati a contracté cette maladie, en l'occurrence qui serait probablement la phtisie, semble trouble. Qu'en savez-vous personnellement à ce sujet? Ma foi, je ne saurais dire. Il est vrai que Madame Baliati vivait un peu... Je n'oserais pas le dire, mais voyez-vous, elle prenait pas forcément conscience des risques. Malgré tout, il est vrai que nous avons tous été énormément surpris de ce que nous avons appris. La phtisie n'étant pas une maladie auquel nous sommes, du moins notre milieu, heureusement, très habitués à côtoyer. Mais mis à part cela... pas grand chose à dire, elle l'a attrapé et malheureusement cela a été fatal. C'est très étrange, nous pensons d'ailleurs que quelque chose a dû vraiment mal se passer. Nous savons qu'il existe des moyens de soigner la phtisie, notamment il y a un traitement incroyable à Éole. Il est très étonnant qu'elle a été enfermée, mais nous ne pouvons pas spéculer plus que cela. Et je me doute que si c'était une phtisie, elle devait avoir une forme particulièrement coriace. Vous me parlez d'un traitement à Éole. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Oui. Vous savez, on dit que la phtisie fonctionne. Se guérit pas mal avec le contact du soleil, que le fait de prendre le soleil, de prendre l'air, aide énormément le corps à guérir cette maladie. Et Éole est une ville, vous savez, Éole, qui si aérienne, si au contact du soleil, forcément a su développer un potentiel, je dirais. Vis-à-vis de ça, il y a même malheureusement, je trouve, un marché sur tout simplement ça à Éole. Même Venise en produit, hein, notamment sur les voyages. Beaucoup de personnes, de compagnies proposent des voyages à Eole justement pour soigner la phtisie, malheureusement, à des prix assez exorbitants. Mais oui, c'est concrètement un traitement qui consiste à manger sainement, à prendre énormément de bains de soleil et de se reposer. Merci. Maintenant, je sais bien qu'en général, nous sommes très peu au contact des petits personnels qui n'est pas le nôtre, mais avez-vous connaissance de monsieur Albert Baudor, l'ancien majordome de feu Madame Baliati? Malheureusement, que de noms. Je l'ai croisé ici et là lorsqu'il accompagnait Elena dans ses trajets, mais je le connais pas personnellement, en tout cas. Vous savez peut-être qu'il est maintenant le majordome de Monsieur... Ah oui, Monsieur de Cuivre. De Cuivre, oui, excusez-moi. M'excusez. Où voulez donc en venir? Vous avez eu très peu de contact avec Monsieur Baudor. Il n'a pas tenté de vous contacter d'une quelconque façon après la mort de Madame Baliati? Non, jamais. À vrai dire, je crois qu'après la mort de Baliati, personne ne l'a jamais revu. Il est parti s'isoler, il a trouvé Monsieur de Cuivre qui lui-même vit isolé. Grand bien leur fasse. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Eh bien... Beaucoup de choses. Est-ce que la loge de la note a prévu des événements d'ici sous peu, des représentations, des fêtes, des commémorations? À vrai dire, non, ce n'est pas d'actualité. Nous travaillons énormément, vous savez, pour l'exposition universelle de Paris qui aura lieu l'an prochain. Et je ne peux en dire plus, mais disons que certains événements nous poussent à produire beaucoup plus rapidement. Donc les événements pour la ville de Venise sont malheureusement très freinés au profit de l'exposition universelle de Paris. Très bien. Tout autre enregistre encore une fois. Avez-vous connaissance du baronnet Klim du concern de la photographie? Non, malheureusement, enfin je l'ai connu de nom et je connais sa malheureuse histoire de ce qu'il a vécu récemment, mais je ne l'ai jamais rencontré non plus. C'est un homme Je n'oserais guère le dire, mais disons qu'il ne m'intéresse pas. Néanmoins, pouvez-vous être plus précis sur ces derniers événements dont vous parlez? Oui, il a vécu un attentat qui me semble a été heureusement arrêté par le ministère de la Propagande. Oui, c'est bien ça là. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est pour vous dire, c'est notre cellule elle-même qui a arrêté cet attentat, mais je pensais qu'il y était arrivé autre chose et vous commenciez à me faire peur. Mais vous pouvez donc là voir que votre mécénat ne sert pas à rien et que les résultats sont présents. Cette cellule est efficace. Sachez que lors des réunions dans lequel le ministère nous diffuse vos avancées, nous sommes pour l'instant très fiers de votre avancée et hâte que vous commencez à vous exporter dans l'inter-empire. C'est un honneur que de pouvoir servir notre ville et l'artistocratie et nous rendrons le maximum de nos efforts afin de magnifier cette œuvre gigantesque qu'est Venise. Si jamais ce sont là, je ne pense... Je n'ai pas plus de questions à vous poser. Eh bien, je ne vous dérange pas plus. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Et si jamais vous avez un quelconque besoin, vous pouvez nous faire appel personnellement à nos services. Vous nous trouverez donc au QG Indigo, dans telle partie de la ville moyenne. C'est ma foi très sympathique de votre part et continuez donc ainsi. Mes hommages. Je m'en vais. Ok. Je vais passer à Kornilov pour la dernière fois. Notamment pour le quartier de l'arbre. Kornilov, pendant tout ce temps, tu as marché. Tu as marché et tu es arrivé au quartier de l'arbre. Je suppose que tu as fait un détour ou du moins que tu as pris le temps de te changer si ce n'était pas déjà fait avant. Moi, j'ai en métropolis. Non, j'y vais et je me suis changé. Ok. Ah, tu aurais pu, après tout, tu fais ce que tu veux. Tu rentres dans le quartier de l'arbre et c'est vrai que par rapport aux dernières fois où vous êtes rentré dedans, l'ambiance est un peu différente. Il y a comme une ambiance électrique. Les gens sont en groupe, discutent et... C'est pas la discussion saine entre amis, plutôt... comme des discussions qui pourraient à tout moment... partir dans de très mauvaises situations. Quoi qu'il en soit, tu te diriges vers la taverne. Après tout, c'est là que tu dois te rendre. Et tu ignores un peu le reste. Enfin, du moins, si tu décides de ignorer. Tu arrives à la taverne. Et tu fais face à cette même taverne que tu es déjà venu une fois pour rencontrer un certain groupe. Il y a une jeune femme qui semble venir des marches mongoles qui tient à la taverne et qui, lorsque tu rentres, se dirige vers toi. Eh bien, bonjour. Je pensais pas vous revoir d'ici tôt. Pour rappel, elle vous avait aidé lors de la mission coller le poème de Hugo. Mmh. Bonjour. Est-ce que par hasard vous auriez pas croisé une Lucie? Tu vois, quand tu dis ça, elle a son regard qui se fronce en mode. Si, très bien. Je ne pensais pas. C'est pour. Non, ce ne sont pas mes affaires. Oui, elle est là. Vous voyez la table à droite, tout au fond. Asseyez-vous. Elle revient dans 2-3 minutes. J'y vais. Tu vas et tu t'assois. Tu vois que la femme, la tavernière, te lance quand même des regards un peu suspicieux. Hein, mais elle continue malgré tout à travailler. Genre, elle nettoie une table et de temps en temps, tu vois qu'elle se tourne quand même vers toi, te lance un regard et reprend le travail. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ces 2-3 minutes ou pas? Non, je vais attendre. Je vais sûrement jouer avec ma pelote de laine que j'ai déjà, toujours sur moi. Eh bien, quelques minutes après, tu vois une jeune femme arriver. Rousse. À peine plus âgée que le gars, tu dirais. Et qui vient s'asseoir... à côté. Elle te regarde, puis dit Vous êtes Kornilov. Kornilov, hein. Le Kornilov du... Oui. Ah, mais il faut prévenir quand tu viens. Je suis désolé, moi j'aurais su... Bon, dis-moi, que fais-tu ici? Je viens pour mettre tes talents à profit. Très bien. ou du moins en tout cas la partie connaissance des termes. Ah, ok. Eh bien, dis-moi tout. Ne passons pas par quatre chemins. Bien, pour aller droit au but, est-ce que tu connaîtrais un produit qui permettrait de d'imiter les symptômes de la phtisie, amenant ou non à la mort dans le cas de ce produit? Ma foi, c'est pas banal hein, ce que tu me demandes. En effet. Laisse-moi réfléchir. Donc le but n'est pas tant d'empoisonner que de imiter une maladie, c'est cela? Oui. Oh, il y a bien des choses qui doivent exister. Après, la phtisie est une maladie assez... Bon, tu me diras. Attends voir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Enfin, quand je dis quelque chose, il y a peut-être même plusieurs choses. Disons que... si tu prends un certain maladie, tu pourrais peut-être avoir quelques symptômes, avoir l'air fatigué. Si tu prends un deuxième produit à cela, peut-être bien que tu vas avoir quelques difficultés respiratoires. Si tu en prends un troisième, peut-être que tu arriverais même à tromper le meilleur des médecins sur ton état de santé. Mais les trois en même temps, ce serait compliqué. Bon, disons qu'il faut trouver... Il faut avoir certaines ressources, je vais pas te mentir. Je pense que... À part une très faible minorité, les gens n'auraient pas quoi se les offrir ici. Mmh. C'est... Des doges, par exemple. Des doges, par exemple, pourrais-je l'offrir? Je sais pas ce que t'as en tête, mais oui, évidemment, si tu as quelconque mécène à ce niveau-là, ces gens-là peuvent s'offrir même plusieurs fois, s'ils veulent. Mmh. Et tu aurais une liste de ces produits-là? Bien sûr, bien sûr. À vrai dire, je vais te donner ça. C'est des produits... alors j'en possède même quelques-uns, pour ne pas te mentir, mais ils sont difficiles d'accès et qui sont surtout à utiliser avec précaution. Si tu doses un peu trop, si tu doses un peu moins, ça peut avoir des effets assez néfastes, et dont une mort dans laquelle tu vas plutôt souffrir. Est-ce que toi tu pourrais t'occuper de faire ce fameux mélange avec les bonnes proportions pour ne pas en mourir? Bien sûr, c'est mon métier de savoir... comment doser pour atteindre ou pas quelqu'un. Et ce serait coûteux, j'imagine. Plutôt oui, hein, on va pas se mentir, mais ce que tu me demandes, c'est pas simplement de verser deux gouttes de poison au premier venu. Et tu demandes de me faire apporter des produits qu'on ne trouve pas... au moins à des empires très éloignés de Venise. Il faut savoir que Venise et la culture... C'est pas vraiment ça. Mmh. Enfin, la culture artistique, évidemment. Hein. Le fait de cultiver. Ouais. Et si je te disais du coup que j'étais intéressé pour faire ça, qu'est-ce que je te donnerais? Honnêtement, je pense que tu n'aurais pas assez de lige. Enfin, sans vouloir te vexer, mais j'ai cru comprendre que tu avais de bonnes relations avec le chef. Disons que J'aurais peut-être besoin de tes services ultérieurement pour ma mission actuelle et que, si tu es d'accord, je te le fais sans aucune lige d'échanger. Juste en échange de peut-être un petit service de ta part dans le futur. Je suis d'accord. Faut croire que le chef sait s'entourer de bonnes personnes. Bon, écoute, donne-moi 2-3 jours peut-être, et je te concocte ça sans problème. Merci beaucoup. Besoin d'autre chose ? Non, ça ira, je pense. Merci. Très bien, très bien. Eh bien, si ça te fait rien, je vais retourner. J'ai des conversations à épier. Moi, je lui fais un signe de la tête. Moi-même, je vais repartir. Ok. Tu vas repartir. Je vais m'occuper rapidement, parce que j'ai vu des messages. D'Hugo, non, pas d'Hugo, pardon, de Esther et Victor. Oui. Pour faire, si vous le souhaitez, comme vous l'avez dit, ce que je viens de lire là sur les messages, donc le faire un tour, essayer si de parler du coup à la troupe 7, ouais. Pour voir si déjà eux connaissent parfaitement la pièce puisqu'ils l'ont joué. À savoir, est-ce qu'ils l'ont joué telle qu'elle était vraiment ou on nous a fait comprendre qu'elle avait été modifiée un peu avec le temps. Est-ce que ça a été vraiment joué comme elle était à l'origine. Et alors, de ce que j'avais compris, ce que nous avait dit Bonnet, c'est que cette troupe-là donc, était sur la fin. C'était la fin de leur carrière. Mais qu'ils ont joué cette pièce, on va dire, de façon spécialisée. Enfin, ils étaient plus spécialisés sur cette pièce à un moment donné. Mais quand ils l'ont joué, c'était il y a très longtemps. Ou alors ils l'ont joué, mais pour un certain type de personne, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la question que tu pourras leur poser. D'accord, ok. Parce que justement, tu vas aller les voir et en fait, c'est une petite troupe qui maintenant loge au théâtre. Alors, c'est pas une troupe qui est de ce théâtre-là. Mm-hmm. C'est en fait une troupe indépendante qui n'est même pas tout à fait vénitienne. Hein, parce que d'ailleurs, quand vous rentrez, ça se voit directement, mais il y a beaucoup d'origines différentes. Hein. Et c'est juste que là, apparemment, leur fin de carrière, ils se sont posés au petit théâtre. Enfin, pas du tout au petit théâtre, au grand théâtre. Okay. D'accord. Et du coup, un homme s'avance vers vous quand vous arrivez et va tout simplement servir un peu de porte-parole pour le groupe. Bonjour. Eh bien, bonjour. Nous pouvons vous aider. C'est un homme un peu vieux, tu sens, qui doit avoir l'âge à peu près de Kornilov. Off. Pour nous, c'est pas si vieux. Enfin, il est pas grabataire, le vieux Kornilov. Non, non plus. Non. Et c'est quand même le plus âgé du groupe. Hein. C'est le plus âgé. Effectivement, c'est... j'ai pas dit que c'était un petit vieux grisonnant qui avançait avec le dos courbé. Voilà. Hein. Il est sur la fin, le bout. Non, c'est vrai que pour Esther, j'imagine que c'est un vieux. Mais bon, voilà, pour moi, il est un peu moins vieux. Esther qui est la plus jeune, donc il y a un décalage. Forcément. Eh bien, bonjour, ravi de faire votre connaissance. On nous a vanté vos talents en tant que troupe. Et du coup, nous voulions discuter un petit peu avec vous de vos pièces les plus fameuses, enfin celles que vous avez interprétées le plus. Oh, avec plaisir. Je m'appelle Erwan, enchanté. Enchanté également. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Eh bien, on nous a dit que dans un passé, alors je ne sais pas si c'est un passé très lointain ou pas, que vous avez eu la chance d'interpréter les rayons et les ombres. Ah, oui, il faut dire que Veudy s'est attaché à cette pièce et nous l'avons pas mal interprétée il y a des années de ça, alors pas si lointain que ça, mais disons que notre troupe, déjà bien populaire lorsque nous sommes installés à Venise, nous avons eu des commandes très régulièrement pour jouer cette pièce. Alors c'est... C'était en privé. C'était donc une version un peu différente de l'original ou c'était vraiment la version originale de cette pièce ? Notre commanditaire demandait spécialement de jouer la version originale avec un texte très ancien, même un peu compliqué à prononcer pour être. Où avez-vous trouvé les costumes et les décors pour cette version ? Nous avons dû les fabriquer sur mesure. À vrai dire, l'argent n'a pas été un problème, étant donné que c'est une doge qui nous a commandité notre. C'est quelle doge ? Quelle doge, oui. C'était Madame Baletti, il me semble. Ah. Parce que lorsque... Tiens. Elle n'était pas seule, mais lorsque elle est morte... malheureusement, nous n'étions pas à Venise pendant cette période-là, mais nous avons perdu toute commande. Alors, au début, nous avons pensé que... il s'était un peu détourné de tout et nous avons appris plus tardivement qu'en fait elle était décédée. Ça fait un petit quiproquo un peu, désolé. D'accord. Et vous avez toujours ces costumes ou vous les avez peut-être recyclés, je ne sais pas. Ah oh, oui, ils ont été mis à recycler. Vous me direz, on l'a fait très récemment de le mettre à recycler et il doit bien rester quelques pièces. J'ai souvenir que l'inventaire de destruction était incomplet. Ah, comment ça ? Quelqu'un aurait volé des pièces ? Oh, non. c'est vous êtes trop polite. Vous voyez très de suite le mal, mais non, nous pensons qu'elles ont été soit égarées dans nos très nombreux déplacements, soit tout simplement rangées à un endroit et nous n'avons pas pensé à les. Ok. Et vous sauriez nous dire quelle pièce manquait ou pas... Attendez, je vais voir Éloane, c'est lui qui gérait, tu vois, qui se sépare de vous. D'accord. Qui va discuter à un autre homme. Et vous les entendez chuchoter pendant une, deux minutes. Ouais, non, mais t'es sûr. Non, mais attends, c'était quel objet déjà. Et il revient vers vous deux petites minutes après. Oui, alors, selon Éloine, moi je ne suis pas d'accord, mais lui il dit qu'il manquait toute une tenue. C'est-à-dire une robe et un masque, ainsi que un décor, enfin une partie de décor qui représentait notamment vous savez, une estrade de pendaison. Et quel masque, si vous avez le souvenir ? Oh, ce n'est pas très compliqué, Niak. Un masque majeur dans cette pièce, c'est celui de notre très chère divinité ancienne. Donc, je suis désolé, je ne connais pas très bien la culture vénitienne, mais... Non, mais ça ira, je comprends. Donc, vous nous dites qu'il manquait du coup le masque et la tenue qui va avec, je suppose. Oui, c'est bien cela. Voilà, et un décor donc, qui représente une estrade. Oui. D'accord. Vous sauriez nous dire Alors après, je me doute que vous ne connaissez pas forcément tous les hauts dignitaires de Venise, mais sauriez-vous nous dire si vous aviez reconnu des gens qui accompagnaient Elena Baletti au moment où vous jouiez cette pièce? Oui, il y avait une jeune femme à peine moins âgée qu'elle, peut-être d'un an ou deux. Il me semble que c'est elle qui l'a succédé à la mort de Baletti. Et il y avait son majordome. Mm-hmm. Et je crois peut-être une ou deux autres personnes supplémentaires, mais ils me reviennent plus. Ça fait maintenant bien 6 ans, et en vrai dire, plus 7, voire 8, que nous n'avons pas joué cette pièce pour un public fermé. Je sais que nous jouons dans un tout petit théâtre, mais c'était simplement du privé, c'était fait pour faire plaisir à certaines personnes qui ont les moyens. D'accord, donc c'était les personnes qui... vous aviez une salle de représentation, les gens venaient, vous n'allez pas jouer chez les gens directement. C'est cela, mais c'était une petite salle qui était, je crois même, abandonnée ou utilisée que pour nous. Je n'y ai jamais vu d'âme qui vive, c'était particulier, mais à vrai dire, une bonne expérience malgré tout. Jouer pour un public aussi peu nombreux mais exigeant, ça apporte, je pense, beaucoup. Ok. Et vous l'avez joué combien de fois, sans indiscrétion, pour ces mêmes personnes? Je ne saurais dire, peut-être une dizaine de fois, peut-être un peu plus. C'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, il devait beaucoup apprécier cette pièce pour la voir plus de 10 fois. Oui, vous savez, mais sans vouloir être un écornifleur, la paye valait le coup. Ah ben... Tant mieux pour vous. Je veux dire, vous auriez tort de ne pas en profiter. Mais c'est vrai que, enfin, vous ne trouvez pas que c'est quand même surprenant que des personnes veuillent voir en si peu de temps plus de 10 fois la même pièce? Généralement, on regarde une pièce et puis on en regarde une autre un peu après, quoi. Oui, il est vrai. Et puis, c'était allé sur quelques années tout de même, mais... Je pense qu'il y avait un attachement particulier, disons, à cette pièce, quelque chose de peut-être familial, peut-être, je ne saurais dire. Mais oui, je pense qu'il y avait plus qu'un intérêt, disons, ça faisait plaisir. Ah ouais, c'est... D'accord. Donc, vous m'avez dit une femme. Qui, a priori, lui aurait succédé, de ce que vous... Oui, je ne la connais guère, je suis désolé, mais c'est une femme qui a été doge de la note le temps que les nouvelles élections soient faites. D'accord. Il y a un nom en tête, quelque chose? Pardon? Et vous auriez un nom en tête? Comme dit, je ne suis pas vraiment accoutumé à Venise. À ce point-là, d'accord. Nous voyageons beaucoup et nous sommes installés à Venise maintenant que depuis 3-4 ans. Et malheureusement, je connais mieux les noms des actuels doges que des anciens. Vous nous avez dit qu'il y avait peut-être une ou deux personnes supplémentaires, mais sauriez-vous nous dire si c'était des hommes ou des femmes? Oui, ma foi, il y avait un homme et une autre femme. Quand ils n'étaient pas toujours là, par contre, mais quand ils étaient invités. Okay. Un homme plus âgé, plutôt jeune. J'ai souvenir d'un peu plus âgé que Madame Baletti. Oui, je pense. Ok. Un homme et une femme. Est-ce que cet homme vous paraissait en bonne santé? Oui, ma foi, je... Ouais, non, mais je... on sait jamais. D'accord. Plus âgé. Ouais, d'accord, d'accord. Et donc, depuis que Madame Baletti est décédée, vous ne la jouez plus du tout. C'était vraiment une demande spécifique de Madame Baletti dans tout Venise. Personne d'autre ne vous l'a demandé. Oui. Non, effectivement. Ok. C'est bien dommage pour vous, parce que à ce rythme-là, si elle était toujours en vie... Vous auriez pu vivre de votre art pendant de nombreuses années. Oh. Oui, nous en vivons déjà. Pour même oui, nous permettre oui. cette pause grâce à ces pièces-là. Je ouais. dois l'admettre. Eh bien, ma foi. Alors, je regarde Esther. Voir si elle n'a pas une question qui lui vient à l'esprit. Mais sinon, pour moi. Non, je crois pas, honnêtement. Est-ce que dans cette pièce que vous jouiez, du coup, c'était l'original, hein, bien évidemment, mais selon vous, en tant que comédien et artiste, que ressentiez-vous dans le but profond de cette pièce, le sens? Vous savez, il y a toujours un sens propre où le thème est explicite et des fois, les auteurs aiment à avoir un sens caché. Donc peut-être, souvent les artistes arrivent à vivre ça et à le retranscrire. Donc, est-ce que selon vous, Oui, c'était une pièce violente. Violente, mais... humaniste, c'était une pièce qui était fondée sur de très anciennes peurs et qui croit sincèrement au pouvoir d'une conscience collective et de l'art. Je pensais pas pour rien que ce soit des doges qui soient aussi intéressés, mais c'est une œuvre puissante mais violente. Est-ce que alors, c'est juste un sentiment qui me vient à l'esprit. J'ai une scène que j'ai vécue en allant voir une pièce, un moment assez violent, assez perturbant. Et je voulais savoir si dans cette pièce, elle était présente, parce qu'on m'a dit peut-être que c'était tiré de cette pièce, je ne suis pas sûr, mais... où on relate en gros la mort de quelqu'un avec une certaine luminosité, les bougies, la cire, une musique qui englobe cette scène de mort et comme des dessins sur le corps de la victime, des... mettre en valeur peut-être non, Non, ça me dit rien, ça me semble être même assez anti-bienséant. Je pense que ça fait partie plutôt de... Oh, si cela existe plutôt, vous savez, de ce que peut produire des anticonformistes comme la loge des antiquaires, mais ça me semble même un peu trop graphique et violent de manière directe pour être dans du théâtre traditionnel. Alors, du coup, vous nous dites que cette pièce est violente. Donc, comment se retranscrit la violence à travers cette pièce? Si les personnages meurent, comment meurent-ils? Comment ils sont mis en... Dans cette pièce, c'est une violence ressentie. Justement, c'est là qu'on sent la maîtrise de l'écriture. C'est une pièce violente, mais qui ne montre pas cette violence. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait que un grand écrivain en est un. Les émotions sont puissante, sont directes, mais elle joue avec la bienséance et ne met pas le spectateur dans une situation un peu malaisée, voyez-vous. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible que nous vous invitions à nous rejoindre dans nos locaux à l'occasion pour enregistrer à l'oral vos souvenirs de la pièce de A à Z, disons? Bien sûr, avec grand plaisir. Ou même si vous avez une copie éventuellement avec les dialogues et autres. Je n'en ai guère, mais je... Je sais pas si vous venez d'entendre parler, j'ai bugué, je crois. Oui, non, t'inquiète pas. Non, parfait. C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée, hein, quoi qu'il en soit. En tout cas, il accepte volontiers. Ah merde. Du coup, soit c'est parfait. On va pas vous embêter plus longtemps, je pense, à part si ma collègue a des questions, mais pour moi, c'est bon. Non, t'as été assez complet. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je réfléchis encore 2 secondes, on sait jamais, mais. Si, quelle est la fin du personnage de. Je pense cette fameuse entité au masque, comment finit-elle à la fin de la pièce? Quel est son destin? Et la morale qui l'accompagne? Comme tout dieu, elle ne craint rien. À vrai dire, en fait, elle sauve l'artiste à deux doigts d'être pendu, il me semble. Et elle vient et, comme un jugement divin, vient lui donner raison, condamnant le roi à une douleur sans fin, et son but est vraiment un jugement moral indiqué comme tel. Très bien. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Nous vous ferons contacter quand on vous fera demander pour nous, venir nous voir. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis, il te remercie aussi, voilà. Et vous vous laissez. Ce qu'on va faire, c'est une petite ellipse. Au plus ou moins après-midi, au moment où le groupe va pouvoir se retrouver au QG, histoire d'échanger sur ce que chacun vous avez eu comme information durant cette matinée. Une fois tous retrouvés, donc les premiers arrivés s'installent et simplement commencent à discuter entre eux le temps que le deuxième arrive, que la troisième personne arrive, que la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à temps que, évidemment, le groupe soit complet. Et donc, je vous laisse, si vous voulez, mettre à jour un peu toutes les informations que vous avez eues, mettre à plat pour que le groupe soit tous à même longueur d'onde. Je vous laisse faire. Bon, c'est bon, on a arrêté le procedimento. Le con, il était tombé dans une ruelle. Ah ouais. Il était bourré et puis il n'a pas réussi à se relever. Ah, il a mal tourné depuis qu'il a commencé la drogue. C'est quoi? C'est parce que j'ai bu trop d'absinthe. Du coup, on va éteindre ça, ton rombre. La révélation, la Scooby-Doo, où tu retires le masque et où tu vois Hugo. Bon, mes chers amis, mon plan aurait parfaitement fonctionné si vous n'étiez pas là avant du petit fouineur. Bon, mes chers amis, je pense que, je ne sais pas pour vous ce que vous avez trouvé de votre côté, mais par rapport à ce que nous avons eu comme information, il semblerait, et bon, ça on s'en doute bien, que Madame Baletti est vraiment le centre de cette affaire, puisque... elle a été mécène, un peu la mécène d'une troupe de comédiens qui s'appelle la Troupe 7, lui a joué en privé pendant plusieurs années, et cela plus d'une dizaine de fois, cette fameuse pièce de théâtre, Les rayons et les ombres. Elle a financé leur troupe pendant des années pour leur jouer uniquement cette pièce, et avec elle se trouvait donc une femme, donc a priori celle qui l'a succédé en tant que doge de la note, c'est ça oui. Son majordome, encore une fois, son majordome est vraiment partout. Et a priori, deux autres personnes qui seraient un homme et une femme qui étaient plus âgées que Madame Baletti. Donc ça débloque pas l'enquête, mais on n'a pas fait non plus Faumont. Je suis quand même plutôt content de cette piste. Et ouais. Mais enfin, bon, vous n'avez pas compris, nous sommes complètement bloqués, nous sommes perdus. Ça ne mène à rien, nous n'avons aucune piste, nous n'avançons pas, n'est-ce pas? C'est bien ça, c'est votre théorie. L'enquête est bloquée, en effet, mais bon, c'était pas non plus chou blanc, on va dire. On va se contenter des quelques miettes. Alors, une autre information qui peut être importante. C'est que pour cette pièce-ci, la troupe a fabriqué elle-même ses costumes. Et ils ont décidé de les recycler il y a très peu de temps. Et ont été trouvés manquants le costume et le masque de la divinité, donc il procedimento, ainsi qu'un décor qui représente une estrade. Eh bien, moi, je sais, vous n'avez pas connaissance des éléments dont j'ai pris connaissance, mais personnellement, j'ai une piste qui se mène tout à fait devant moi et qui se renforce de par ce que vous m'avez dit. De mon entrevue avec notre mécène, j'en tire principalement que Madame Severini, qui a pris la place de Madame Baleati après sa mort, est une amie très proche, extrêmement proche donc, de celle-ci, et donc qu'il va de soi que nous allons devoir donc l'interroger. Voilà, tout simplement. Donc ce serait cette personne qui lui aurait succédé, du coup, c'est celle-ci? C'est exact. Donc elle était bien présente donc avec elle pendant ses représentations. Eh bien, maintenant, nous allons bon pouvoir... Ah, mais non, j'avais oublié, nous n'avons qu'une piste. Nous sommes complètement brouillés, nous sommes complètement bloqués. Ah, je sais là, je ne sais quoi faire. Mais... Arrête donc de... T'es calembour. Tout seul, vos pistes. Je retourne au bar. Que de calembour, Hugo. Essayons quand même de garder notre sérieux. Nous sommes sur une enquête importante. Et il est vrai que ce Il Procedimento nous tourne un peu en bourrique, mais petit à petit, nous arrivons tout de même à bouger les pions qui nous font avancer, même si c'est à pas de fourmi, hein, j'ai envie de dire, mais on avance tout de même. Oui, mais après, même quand ils nous donnent des indices, on ne comprend pas. En tout cas, voilà, cette fameuse Madame Severini, qui est donc cette femme qui était présente pendant cette pièce, pourra peut-être nous donner les identités des personnes qui étaient présentes, que sont cet homme et cette femme. Je ne sais pas, honnêtement, pour avoir fait quelques pièces de théâtre de ma vie et assister. Même en tant que dramaturge à des pièces de théâtre, il est rare que le public aille s'enquérir de savoir qui est telle ou telle petite larbin qui s'amusait à faire bouger tel rideau pendant la représentation. Nous allons voir, peut-être... Non mais attendez, cet homme et cette femme étaient invités pour regarder. Ils n'étaient pas là pour faire le service ou quoi que ce soit. C'était des invités de Madame Baletti. Je vois, non, c'est donc une mécompréhension de ma part. Je vous présente mes excuses. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je sais que nous sommes tous épuisés. Je vois que Kornilov aussi est vraiment épuisé. Il tourne et retourne encore ses documents pour essayer de trouver quelconque piste qui pourrait nous aider. Donc et il n'a plus de radis que je lui ai quand même amené, c'est dommage, c'est fort dommage, j'aurais bien mangé un peu de radis, Cardinal. Mais tu n'en as plus, malheureusement. Voilà, donc effectivement, Hugo, c'est une très bonne initiative, nous pourrions tout à fait voir Madame Séverine. Et toi, Hugo, pardon, pas Hugo, mais Kornilov, qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté? J'ai rien, particulièrement, mis à part que si on cherche et si on a très envie, on peut, en mélangeant différents poisons, faire semblant d'avoir une phthisie. Ouais. Mais il faut vraiment contacter les spécialistes, etc. Sinon, tu te tues. Je pense que de toute manière, c'est ce qui est arrivé. C'est notre piste depuis qu'on s'est intéressé de manière plus intéressée à Baletti. C'est que Baletti et Maria Zinetti sont toujours en vie. Oui, je pense aussi. Donc nous avons maintenant la confirmation que c'est possible. Mais tout ça reste de l'ordre du théorique, du coup, parce que c'est toujours impossible à lier à l'enquête. Je suis désolé, mon très cher Kornilov, mais en dehors de tout sarcasme, pour moi, vous faites fausse piste toujours, et je pense que tout ceci est très fantasque. Et Nos dernières investigations, au contraire, plutôt tendues, prouvées, enfin, je ne remettrai pas en cause le témoignage de Monsieur Baudor, dont nous avons été, justement, Monsieur Baudor n'a jamais été là pour la disparition du corps. Mais il a été là pour nous dire qu'il pensait que Prodicimento avait tué Madame. Oui, parce qu'à force d'enquêter, il est venu et il l'a tabassé. C'est une sacrée preuve. Mais ça ne veut pas dire du coup que. Qui ne sont pas toujours en... Après, j'ai envie de dire, il procedimento, dans son process, il n'est pas du genre à tabasser les gens. Généralement, quand vous gênez, il vous tue. Il n'est pas là pour mettre une correction au moindre bonhomme qui passe dans la rue. C'est ce qu'il a fait à Monsieur Baudard, parce que c'est vrai qu'on t'a pas dit exactement dans tous les détails, mais. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la disparition de Madame, enfin la disparition du corps de Madame Baletti, ouais. Monsieur Baudard a mené l'enquête parce que du coup le fameux médecin légiste aussi a disparu, comme pour Maria Zinetti. Il a cherché, et à force de chercher, au final, qui est arrivé par la fenêtre un jour, c'est notre Monsieur il procedimento qui l'a roué de coups et qui l'a menacé du coup sur le fait qu'il fallait qu'il arrête d'enquêter, ce qu'il a promptement fait. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu le motiver à parler. Mais quand il l'a menacé, il a parlé ou il a prononcé, enfin il a, est-ce qu'il a entendu une voix ou c'est... Il a parlé avec des mots métallisés qui ne sont pas humains, quoi. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça reste quand même un peu surprenant qu'il l'ait laissé en vie. Enfin, pour ma part, le peu de fois où on a eu affaire à une arrivée de I procedimento, c'était souvent pour des morts. Il y a jamais, rarement des gens tabassés. Donc, j'ai quand même envie de me dire, malgré tout, j'ai cette idée en tête que Madame Baletti n'est pas étrangère à il procedimento, dans le sens où j'irai pas jusqu'à dire que c'est il procedimento, mais c'est pas loin. Ouais, c'est tendu, mais c'est vrai que c'est étrange en effet qu'elle l'ait pas tué, le majordome. En même temps. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de propager quelque chose? Étant donné que c'est lui-même qui, en plus, nous a envoyé sur la piste. Ce n'est pas lui qui nous a envoyé sur la piste. Hein. Qui nous a dit de trouver Azenati. Ah, Baletti, EB. Baletti, pardon, oui. C'est une plaque dans un colis qu'on nous a donné avec le masque. Qui, d'après nos voisins, ont dit qu'elle a été donnée par une femme, enfin, qui a été posée sur la porte par une femme, et d'après leur description, une femme qui ressemble énormément au profil de Maria Azinetti. Voilà. En tout cas, I Procedimento et Baletti sont très proches. De par même cette pièce de théâtre et de par même le fait d'avoir vu de façon récurrente pendant plusieurs années la même pièce, chose que très peu de gens font généralement, hein, on est d'accord. Et en plus, bizarrement, le costume qui a été créé par cette troupe, alors on n'a aucune idée de à quoi il ressemblait vraiment. Donc, ce qui peut expliquer que peut-être le masque tout ça soit peut-être un peu moins joli. D'ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer de façon assez subtile de présenter le masque à Erwan, qui est le représentant de la troupe, et de savoir si c'est le masque qui est manquant. À savoir ouais, que si... Ça, je croyais qu'on l'avait garé dans la salle des dossiers, il faudrait que j'aille le récupérer. Il y a des pièces à conviction. Parce que si c'était ça, et qu'il nous confirmait que c'était le masque qui était manquant, ça voudrait dire qu'on tient une pièce à conviction qui est importante. Alors, est-ce que c'est celui-là, celui-là même Je ne sais pas, mais si lui, ils l'ont fait, ils vont le reconnaître. Si c'est de leur fait de par eux-mêmes, ils vont le reconnaître. Ça, c'est une certitude. En effet, c'est intéressant. Maintenant, je me posais une question. Si c'est bien Baletti qui est venu livrer le masque et ainsi que l'indication, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue directement nous parler si elle a quelque chose à nous dire? Alors, l'a priori, ce serait Asinati qui nous aurait déposé le paquet, et pas Baletti. Ok, d'accord, ok, j'avais compris un truc qu'il y avait... Voilà. Okay, d'accord, c'est pour ça, j'étais dans un autre monde. Autant pour moi. Asinati, qui est elle aussi officiellement mort de Ftizi. Je viens de dire Baletti au lieu d'Asinati, vraiment, il n'y a rien qui... mais trouble, enfin, aspect troublant, Asinati est elle aussi décédée de Ftizi. Et son corps est lui aussi disparu. Néanmoins... Il y avait Stiké hein, chez Asinati. Pour, oui, là, elle devait prendre Ouais, et je sais plus, il était là, donc logiquement, le ticket, on l'avait retrouvé là, donc elle n'y était pas allée non plus. Oui. Donc, c'est juste, je me permets de rappeler cet élément. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, pareil, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue nous parler directement s'il y avait un truc à nous faire deviner, plutôt que nous faire marauder pendant des semaines et qu'on ne comprenne pas? C'est peut-être qu'on doit, nous, les retrouver d'une façon ou d'une autre, savoir si on est peut-être digne de pouvoir savoir la suite. Je rappelle aussi, vu qu'on est dans les plus grandes théories du complot et des histoires qu'on se raconte sans rien de plus, je rappelle aussi que Maria Zinassi était celle qui a trouvé la victime initiale. Oui, c'est vrai. Elle, au final, est-ce qu'elle a trouvé, est-ce qu'elle l'a tué? Parce que c'est... Je suis désolé de vous... Je suis désolé d'avoir ce rôle depuis un certain temps, mais tout ce dont on parle là, c'est des histoires, et quand on parle de faits, de choses concrètes, comme par exemple le masque, d'aller le montrer à Erwan, ça ne fait juste que confirmer les histoires qu'on se raconte, mais ça ne fait pas avancer spécialement. Qu'il l'ait perdu, que ce soit vraiment ce masque-là qu'ils aient perdu. Quoi, ça nous avance? Bah, ça va nous oui, mais ça nous avance simplement que quelqu'un l'a pris et qui s'en est servi, et que quelque part, on nous tend une pas. Enfin, pour moi, c'est qu'on est avec cette pièce et ce qui entoure la pièce, on serait sur la bonne voie. Mais après, voilà, je veux dire, comme vous voyez, il y a Madame Severini qui est disponible, qui a été présente à ces représentations. Ça ne nous coûte rien d'aller la confronter, de voir ce qu'elle sait, et peut-être de trouver l'identité de cet homme et de cette femme qui était présente, qu'on ne sait pas qui c'est, pour avoir des pistes supplémentaires creusées. Puisque là, pour l'instant, on en est là. Il faut trouver des pistes. Là, on en a une. Elle a un nom. Elle est connue. On a toujours ce masque qu'on pourrait tout à fait présenter à la troupe. Après, s'il nous dit que c'est bien ce masque-là qui est en camp, même si ça ne nous fait pas directement avancer l'enquête, ça nous confronte, enfin, ça conforte sur ce lien entre cette pièce, Baletti et Il Procedimento. Je vais aller retrouver le masque dans la salle des pièces à conviction. Je reviens. Et ben, à tout de suite. Vous entendez, au niveau de la porte, trois coups très secs qui retentissent. Je vais directement ouvrir. S'il vous plaît, que ce ne soit pas Landini. Esther, tu ouvres. Est-ce que tu vois quelqu'un partir en courant, je le cours après. On n'aura pas besoin de courir parce qu'il n'y a pas une personne, ni deux. Ils sont trois derrière cette porte. S'il y a Landini parmi les trois, je referme. Et il y a parfaitement Landini au milieu de ces trois personnes. Accompagné d'Alceo et d'Alic. Justement, okay. On parlait de vous. On parlait de vous. Tu vois que, comme à son habitude, il attend même pas vraiment que tu ouvres la conversation pour rentrer. Là où Alceo et Alic te saluent discrètement de la tête, mais sans prendre plus de temps que ça. Je lui rends son salut, pareil. Bon, on les fait rentrer, on les fait s'installer, etc. Et puis on leur demande ce qui les amène, même si on a une idée derrière ça. Cagno se place un peu pour vous avoir tous dans son champ de vision. Il fait asseoir à Elig et Alceo à l'arrière. Vous voyez que vraiment, sans la moindre parole, il les fait s'asseoir. Il est toujours dans cette optique un peu de montrer qui commande. Puis il se tourne vers vous. Bon. Je vais pas passer par quatre chemins. On a reçu une plainte récente vous concernant. Question au jeu, quand il vous concernant, il fixe une personne en particulier ou il parle vraiment du groupe? Non, il pointe personne. Il vous regarde les quatre. Okay. Alors moi, je regarde les trois en mode qu'est-ce que vous avez branlé? Pour expliquer... Il semblerait que vous avez été particulièrement odieux envers la personne de Monsieur de Cuivre. J'aimerais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, d'autant plus que vous touchez à l'aide d'une des personnes importantes pour le ministère et pour la ville de Venise. Nous avions besoin d'avoir confirmation qu'il s'agissait bien de Monsieur de Cuivre que cachait le majordome Monsieur Baudor à l'intérieur de la maison qu'il gardait. Nous avions des raisons de croire qu'il pourrait cacher une personne d'autre. Oui, il faut dire que Monsieur Baudor nous a menti d'une façon honteuse et s'est joué de nous à maintes reprises. Nous prenons pour une bande de sots. Nous avons dû donc jouer à son propre jeu, si je puis dire. Bien sûr, tout ceci dans le cadre de l'enquête visant à capturer Il Procedimento. Vous voyez qu'il indique Esther et Hugo du doigt. Vous deux, venez là. Oui, monsieur. Vas-tu ouvrir? Je l'approche. Mais je reste derrière Hugo. Il te demande de te mettre vraiment à côté, à son niveau. Et s'il me touche, il va s'en prendre une, il va rien comprendre. C'est pas le jour. Je lève la tête bien fière, les mains dans le dos, enfin pas bien fière, limite je tends la main. Et effectivement, comme vous l'avez tous pressenti, très rapidement, vous voyez le mettre du coup à Esther, et à Hugo, une énorme claque. Je la rendrai au majordome. C'est ce que je me dis dans ma tête. Moi, je suis. Et pour le gêné. Coup, elles sont vraiment violentes, les deux. Il a. Cagno, malgré son âge, hein, il a quand même une force, vous remarquez, qui explique peut-être la raison de pourquoi il se permet d'être aussi arrogant, disons, et détestable pour certains. Je vous demande si vous réagissez d'une certaine façon, surtout ceux qui sont victimes de sa violence. On demande aux autres de nous soutenir. Non, bah non, bah on. C'est le boss, on peut rien faire, donc on va ravaler notre fierté et puis voilà. Je suis choqué, moi. J'avoue que je m'y attendais pas vraiment non plus, toi. Même si connaissant. Mais c'est particulièrement violent et je me vengerai. Et. Vous voyez qu'il vous fait un signe de la main en disant d'aller vous rasseoir. Lui-même, du coup, s'assoit. Relayant, du coup, votre table. Hein. Donc, fait. Comprenez que vous avez carte blanche pour attraper le Sprosimento, mais il y a certaines personnes à laquelle vous devrez éviter mettre le ministère à dos, d'autant plus des personnes aussi importantes. Alors, si vous avez la moindre preuve, et cela m'étonnerait vu l'état de santé de cette écornifleur de Monsieur de Cuivre, si vous avez la moindre preuve qu'il s'agit de Procedimento, alors vous aurez carte blanche, mais d'ici là, évitez de mettre à dos ceux qui font que votre ministère tienne debout aujourd'hui. À vos ordres. Eh bien. Alors dites-moi comment vous avez avancé. Eh bien, nous sommes divisés sur ce point-là. Pour vous dire l'exact état de pensée du groupe. Certains pensent que nous avons bien avancé, certains pensent que nous n'avons pas avancé. Ceux qui pensent que nous avons avancé, eh bien, le pensent car nous avons découvert que notre homme, notre chose, il est Prodicimento, est lié à une très vieille pièce de théâtre. Peut-être la connaissez-vous. Les rayons. Et les ombres. Et les ombres. Et c'est une pièce. Ça m'étonne pas. Est-ce que tu l'as vraiment dit ? Non. Je l'ai pensé très fort. D'accord. C'était les pensées de Victor. Voilà, de Victor. C'est une pièce qu'on pourrait qualifier de quasiment subversive, qui raconte l'histoire d'un artiste qui se bat contre des seigneurs traversiers qui cachent au peuple une information cruciale. Vous voyez bien ce genre de choses, mais vous savez, c'est tellement ancien et tellement qu'on ne peut pas y toucher, même si les pouvoirs du ministère sont infinis. C'est un genre de monument qu'elle ne peut toucher. Mais donc, pourquoi ? Ah, veuillez m'excuser. Quoi ? Donc, notre petite patte. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit, connard ? Empoiré ! Les pensées de Victor. Bref, tout cela pour dire que donc notre homme, notre chose, s'habille de la même façon que Dieu dans cette pièce, car un Dieu. Divinité semble être un des personnages de cette pièce et il porte le masque exact de cette divinité. Ensuite, nous avons découvert donc que Cette pièce, tellement ancienne que vous ne la connaissez pas, a pourtant été jouée il y a très peu de temps, enfin, Quelques années. quelques années, mais étant donné l'âge probable de cette pièce, c'est très peu de temps, très récemment. Et donc, par la compagnie du petit théâtre rouge. La troupe 7, pour être exact. Et donc, voilà, cette compagnie dont Photius a été pour nous la première victime dont nous avons eu connaissance, bien que Il Polizionento avait déjà frappé auparavant. Eh bien, donc tout ceci pour mène à conclure que nous devons poursuivre notre enquête sur la pièce elle, en elle-même. Et voilà, ce sont grosso modo les avancées majeures que nous avons faites. Très bien. Bien, j'espère que cela mènera très rapidement à cet affluent. J'ai une question à vous poser avant de que vous continuiez, faites donc. patron, si je puis dire. Il s'avère que nous allons peut-être devoir interroger une personne qui a une position élevée, ou qui a eu une position élevée. Et nous aimerions savoir si ce n'est pas un problème pour vous, puisqu'il De qui s'agit s'agit-il? de Madame Severini. Elle a aucun pouvoir, portera pas grand-chose, hein. Ok, donc on pourra l'interroger sans problème, donc. Oui. Ok. Concrètement, interrogez qui vous voulez, sauf soyez respectueux des gens et surtout ceux qui soutiennent ouvertement le ministère de la propagande, évitez de vous en faire des ennemis. Ok. Après, si vous voulez absolument faire chier des gens, il y a plein de gens qui nous détestent. Amusez-vous. Enfin, après, sinon, aucun rapport avec notre enquête, ça n'aurait aucun Certes, intérêt. mais à choisir, si vous devez faire chier les gens, vous faites chier les gens qui n'ont pas de soutien, que ce soit politique, financier ou n'importe lequel, avec le ministère de la Propagande. D'accord. Merci. Je prends note. LCO a quelque chose à vous dire. LCO qui se lève et s'approche un peu de vous, un peu d'un pas hésitant. Mais... Oui, voyez-vous, j'ai. Nous avons discuté la dernière fois et je vous avais parlé d'une mission où vous devez trouver des remplaçants potentiels en cas où vous deviez bouger, ce genre de choses, de quoi faire tourner votre QG même si vous n'êtes pas là. Bah, du coup, nous allons pouvoir en discuter. Et je vais vous expliquer un peu les enjeux qu'il y a derrière ça. Et est-ce que vous avez avancé là-dessus? Pour être honnête, l'affaire Il Procedimento nous accapare à 100% par rapport à ça. Donc, de mon côté, pas du tout. Tu vois que il jette un regard à Cagno et puis oui, je comprends. Et tu vois, genre, tu sens un peu le doute de est-ce que ce qu'il dit est validé. Cagno réagit pas. Mais... Ouais, donc. Oui, c'est tout à fait normal, c'est une enquête prioritaire. Bon, pour vous expliquer un peu les enjeux et malheureusement le fait que vous n'ayez pas tant de temps que ça devant vous, êtes-vous au courant de l'exposition universelle qui va se tenir à Paris? Oui, l'année prochaine. Oui. Exact. Eh bien, figurez-vous que... Votre unité est en test durant cette teinte, normalement d'ici 1132, enfin durant cette année, pardon, d'ici 1132, vous avez Vous deviez normalement avoir terminé votre test et donc pouvoir être envoyé dans d'autres empires. Et donc, il était prévu que vous soyez gérant de la sécurité de l'exposition universelle l'année prochaine. Cependant, beaucoup d'informations récentes ont rapporté beaucoup de plans d'attentats, de dangers imminents, notamment de la part du Lys Noir, qui viserait cette exposition universelle. Pour les prendre de court, et ce sans déclencher d'accident diplomatique, il a été décidé très récemment que cette exposition universelle sera avancée et aura lieu la teinte prochaine. De fait, vous avez cette lune et la lune prochaine pour trouver, former ces gens à continuer votre métier quand vous devriez partir à Paris. Nous sommes bien désolés d'ailleurs. Tu vois qu'il regarde Cagno encore une fois et continue sa phrase. Vous savez que nous sommes là pour vous accompagner et que pendant toute la période de thèse, vous aurez dû ne pas avoir ce genre de mission à accomplir, mais le fait est que vous êtes la seule cellule inter-empire qui existe aujourd'hui et de fait la seule qui est vraiment faite pour considérer du coup que votre période de thèse se termine à la fin de la lune prochaine. Ok. Eh bien, je pense que on va avoir beaucoup de travail. En effet. Du coup, ça serait bien de les trouver, les former. Et tu vois Cagno qui lève la voix. Et surtout, trouver le procedimento avant votre départ. Écoutez, on en serait très heureux. Ah. Tout le monde en serait très heureux. Absolument tout le monde. Ce sera fait. Et que à votre validation, Cagno se lève, fait un geste à Eilig et à Alceo, et se dirige tout simplement vers la sortie. Eilig se retourne juste avant que Cagno referme la porte et vous salue de la main très rapidement. C'est à peu près ça, vraiment, l'image. J'acquiesce la tête de haut en bas. En le regardant fixement. Cagno ferme la porte et vous retrouvez donc tous les quatre dans votre QG. Moi, je regarde Esther et Hugo. Et je leur dis... vous devriez aller vous rafraîchir un peu la joue. On voit encore sa main. T'as les traces de doigts. Quel enfoiré de... Je le dis pas trop fort quand même. Ils sont derrière la porte. Ils sont défoncent la porte et tiens toi. Il arrive un petit coup t'en remets une. Et... non mais bah oui bon, je vais faire ça puis je vais leur dire. Je pense que je vais y aller. On peut peut-être se retrouver demain. Une bonne nuit de repos nous fera du bien, à mon avis. Là, on a carapaté dans toute la ville, toute la journée. Ouais, t'as raison. Puis t'en as besoin, Esther. T'as l'air épuisé. Moi, de mon côté, ce soir, je vais rester au QG et je vais farfouiller tous les documents qu'on a, essayer de voir s'il n'y a pas des trucs qu'on aurait zappés. Tracer des lignes avec, tu sais, faire un peu le tableau de pour trouver le meurtrier, tu sais, avec des traits par-ci, des traits là. Je vois parfaitement. Et du coup, je vais demander un peu comment vous avez occupé chacun votre soirée. J'ai cru comprendre qu'une personne voulait déjà de toute façon de base s'émanciper du groupe pour aller passer sa soirée. Du coup, Kornilov et Hugo, comment vous comptez passer la soirée? Mmh. personnellement, enfin, Hugo. Va réfléchir, enfin. Il est troublé un peu par cette chose qu'on lui demande de trouver des gens pour faire son travail, lui. Et lui qui n'a pas énormément fait de contact, commence à se poser des questions. Il ne sait absolument pas qui elle va. Et il va peut-être prendre sa soirée. Et un peu dans un élan de folie, rentrer non pas chez lui, mais aller voir sa tante. Voilà. Ok. Et Cornilla? Eh bien, Kornilov. Honnêtement, Kornilov, il est fini. Il. Vraiment, là, depuis en fait, depuis cette journée, déjà, depuis aujourd'hui, mais finalement, depuis le 5-2 Sanguine, hein, bah, il a bien compris que. Non, même pas le 5, attends, c'était quoi avant? Le truc du majordome. Bon, la journée avant, je crois. Depuis là, honnêtement, il est dans le défaitisme. Hein, de toute manière, Kornilov, il est certain qu'on n'a plus rien pour avancer, tout ça, donc il était déjà terminé. Là, on lui dit qu'il faut mettre les bouchées doubles et qu'en plus, il faut préparer un festival à deux balles pour n'importe quoi et qu'il faut aussi préparer des gens pour nous remplacer. Il est fini. Je pense que Kornilov, il est juste. Il est allé voir, je pense, Charline pour passer la soirée avec elle. Je pense même qu'honnêtement, il a laissé son uniforme, son badge et tout ça au QG, tu vois, comme s'il venait de démissionner. Juste au moins pour symboliquement se décharger mentalement de tout ça. Genre, je ne travaille plus ici. Et je suis libre pour le reste de la soirée, je n'existe plus professionnellement. Voilà.